La mise en chantier du projet pour la création de l'industrie chimique de carbone 1 s'est tenue le 14 au complexe chimique de Shenzhen dans la province du Pointe du Sud. Y ont pris part le Premier ministre Parpong Zhu, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée et vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, Oh Soo-yeon, vice-président du comité central du parti, des officiels intéressés, bâtisseurs et habitants de Shenzhen. À la suite des discours et interventions, les participants ont commencé les travaux.